boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Français ce soir et ce soir seulement dans Pop and Rock. La semaine passée, ma frangine me faisait remarquer que je n'avais programmé qu'un seul titre français. Alors ce soir, je relève le défi, que du français, de l'ancien et du bon, et en fait, que des artistes que j'ai déjà programmés dans Pop and Rock. Comme à l'instant Bandy Bandy que nous venons d'écouter, et comme maintenant le très vieux morceau que je vous envoie en pleine face, Lily Drop sur ma mob. Thank you. a l'air drôlement fier. Et sur sa mob, il en jette. Quant à Jojo, c'est le métallo. Le soir, après son boulot, il a sick sa bécane. Il va draguer les dames dans son lit. Sur ma mob, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma mob, je suis bien. Et ses connes de bagnole sont folles de rage. Allez, tu danses. Lady Drop, Daniel Dark chantait dans le groupe Taxi Girl ce morceau que je vous propose tout de suite dans une session live datant des années 2000. Ça c'est encore plus vieux, c'est un truc... En fait c'est grâce à ça que je suis pas sous les ponts. Je vois les garçons. Thank you. qui succède à un sommet sauvage. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Je suis pas James Bond. Tu penses que je peux être une star? Tu penses que je suis assez beau? Tu penses que j'ai une tête de veau? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, tu penses que je suis pas trop petit? Tu penses que je peux être heureux? Tu penses que je vais mourir? Je pense que je dis

faire semblant encore une heure. Et c'est le son qui tiraille et qui sonde. Mais pourquoi toi que je vois toujours à cette place? Tellement jeune et belle, avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain la belle et grande aventure. Alors je monte le son. Alors je monte le son. Et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. D'user les mots sur toutes les portes closes, je me suis acheté un sourire en forme de mépris. Oh. J'ai profondément les nerfs quand tu me crache en plein vol. Quand tu brises mon zèle, alors je monte le son. Alors je monte le son. Et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Le son du rock français est riche et il est encore plus grâce à la Fédération Française de Funk, FFF. Si on y allait, si on y allait. Faites tourner le chablis. se laisser caresser. Pour s'enfoncer dans le ventre de la ville, les quartiers chauds c'est plus docile. Cette session acoustique de FFF, on revient à du plus rock, Black Maria, Les Traces. Black Maria, un des nombreux groupes français à avoir illuminé nos soirées sans jamais arriver à vraiment percer. Comme le gars qui suit, qui lui, après avoir percé, a connu le sens de plus dur et la chute. Je peux gravir pour toi les sommets de l'ivresse et ramper en silence dans les tranchées de boue aussi longtemps que Mona Lisa peut garder son sourire de caresse. Je peux prendre les armes et les rendre au centuple, sécher les larmes et saluer l'horizon. Je veux te saisir sans jamais épingler le papillon. Je t'aime. C'est les étés de feu, dans les jours de péril et les longues nuits de grâce, à la gloire de l'étreinte et au cul de la pensée étroite et restreinte. Il n'y a pas de méthode et rien à expliquer, pas de technique en vogue, de calcul étriqué, mais que vienne l'extase et que crève les pouvoirs au rabais. Je t'aime. Le groupe de l'homme aux mains de plomb. Mais revenons tout de suite à notre fil conducteur du soir, le rock français, pour écouter Jean-Patrick Capdevielle ou quand le critique rock décide de se frotter à son idole, le boss. Ça donne Barcelone. J'écoute ce morceau depuis plus de 30 ans et cette histoire me fait toujours le même effet. Didio traîne sur le port de Barcelone, il a veillé toute la nuit, c'est normal qu'il reconnaisse plus personne. Au-dessus de la ville, il voit monter les fumées. Le trottoir est un miroir, mais petit Joe veut pas se regarder. Tout en guise, a du plomb sur la langue. Dans la chaleur de la nuit, petit Joe vient guetter l'amnésie. Soudain, y a le poil, une main qui se pose sur son dos. Une voix mystérieuse murmure: seriez-vous le fameux petit Joe? Il dit: c'est bien comme ça qu'on m'appelle. Et puis, vos nouvelles sont-elles cruelles? La voix répond: moi je passais juste par là, j'arrivais plus à dormir et mes remords me faisaient gémir. Depuis plus d'un an je recherche petit Joe pour une femme nommée Rita. Toi t'as ce nom marqué dans ton dos. un tritard. Répond petit Joe, je me souviens qu'elle était belle, malgré son or et malgré ses pères. Tu sais, dis la voix, tes souvenirs sont ingrats. Je vois son ombre là-bas. Tu devrais parler beaucoup plus bas d'ailleurs. Si ma mémoire est toujours bonne. Cette histoire qui s'est tournée vers la voix, disant qu'est-ce qui me force à vous croire. Vous m'étonnez, répondit l'autre, et la cage où vous mettez vos souvenirs a pourtant dû garder mon image. C'est vrai, dit petit Joe, maintenant je sais qui vous êtes. Vous venez d'un rêve ancien, mais ma mémoire est pas toujours prête. Ces mots résonnent sous les arcades de la gare quand le train du matin siffle et la voix dit moi je crains d'être en retard. Et puis attends dans cette salle ici. Faudra pardonner le bien comme le mal. Petit Joe reste là tout seul sur le quai, sans même voir venir Rita. C'est à son parfum qu'il la reconnaît. Tu lui pars et regarde le téléphérique et la statue du marin qui montre encore du doigt l'Amérique. Rita s'est approchée d'un pas, elle est venue des collines. Sa voix lui murmure, imagine. Il y a dans cette ville près des casernes de la garde un gorille blanc dans un zoo, tout seul et ses deux yeux nous regardent. Jody, ta voix sonne toujours comme avant. Et puis j'ai rien su garder mais tout s'apprend. Y'a toujours un carillon qui résonne. Son air est monotone, il peut pas chanter pour personne. Mmh, y a toujours un carillon qui résonne quand tu pars de sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'on soufflerait sur les braises

porterait un rire s'il n'y avait le désir à la porte dorée de mon cœur. Où s'importerait un rire s'il n'y avait le plaisir où se noie. Ce soir, je me dis qu'à part Bandi Bandi, on était surtout au XXe siècle. Alors pour se quitter, revenons aux affaires plus récentes. Et ce sera tout d'abord Eddie de Preto, suivi de Kabadzi, qui nous clôtureront notre 109e Pop and Rock. Sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Tu sais, ce soir j'ai vu